Thank you. Thank you. au siècle de latin. Je cherchais de grands mots pour étouffer mes vers. Je voulais que chacun t'un univers inébranlable et fier. Thank you. Thank you.

Thank you.